Vous écoutez France Culture. Bonjour, les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff. Notre émission va sans doute surprendre un assez grand nombre de nos auditeurs. Ils vont en effet s'apercevoir qu'il a existé au Moyen-Âge un penseur scolastique tombé ensuite à peu près dans l'oubli et qui se révèle et qui se révélera surtout après la lecture du livre dont nous allons parler, un des grands esprits de la scolastique médiévale. Il s'agit de Pierre de Jean Olivier, et le livre dont nous allons parler est un traité des contrats édité et traduit dans une publication bilingue, texte latin original, traduction française, dans un ouvrage intitulé « Pierre de Jean Olivier, traité des contrats aux éditions des Belles-Lettres » par un de nos meilleurs médiévistes, je dirais peut-être encore en herbe, mais l'herbe a déjà poussé haut, qui est Sylvain Piron, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Et il aura pour répondant un autre jeune médiéviste en train de s'imposer, Étienne Anaïm, maître de conférence à l'Université de Versailles, Saint-Quentin-les-Yvelines. Sylvain Piron, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cet ouvrage et à cet auteur ? Eh bien, pour tout vous dire, c'est quand j'étais étudiant, quand je suivais encore vos séminaires, il y a un certain temps, et je m'intéressais aux questions dont vous parliez vous-même, et j'ai découvert un peu accidentellement la première édition de ce traité qui avait été publié par Giacomo Todeschini en 1980, et à la lecture de la première page, je dois dire que j'ai été saisi d'une très grande surprise, d'une grande émotion, parce que c'est un texte qui ne ressemblait pas du tout à ce à quoi on pouvait s'attendre ayant lu La Bourse et la Vie et d'autres travaux de ce type. C'est un texte qui m'a vraiment saisi et j'ai décidé de travailler, de regarder. J'ai décidé aussi de faire une nouvelle édition après avoir découvert des nouveaux manuscrits. Et surtout, j'ai voulu connaître le personnage, l'auteur, qui est effectivement un auteur totalement ignoré à l'époque. Et donc pendant des années, en collaboration avec Alain Bourreau, j'ai travaillé pour mieux le comprendre, mieux le connaître. Et donc le travail que j'ai présenté dans ce livre représente, en un sens, la somme de 15 ans de travaux autour de ce grand théologien franciscain de Languedoc et de la présentation d'un texte qui est une petite partie de son œuvre, mais véritablement le texte fondateur de la pensée scolastique de l'économie qui mérite d'être considéré comme un moment important et même fondateur de l'histoire de la pensée économique. C'est donc un texte et un auteur essentiel pour l'étude de la naissance et de la formation de la pensée économique, de son vocabulaire et de ses problèmes. Voilà. Et si vous voulez, par rapport à... Donc, j'écris un mot un peu provocateur dans la présentation à votre égard, en disant que la façon dont vous le présentez dans un texte récent comme un auteur bizarre, en fait, n'est pas adaptée. Mais c'était mon sentiment de l'époque. Je l'ai vraiment lu comme un texte bizarre. Et j'ai essayé de faire une présentation pour montrer à quel point il est au contraire normal, où il définit la norme d'un mode de pensée scolastique qui s'impose à partir de la fin du XIIIe siècle et qui est très différent différent de ce que vous aviez étudié dans La Bourse et la Vie sur des textes du début du XIIIe siècle où les théologiens ont une attitude critique vis-à-vis du commerce, vis-à-vis de l'économie. Et on passe dans un autre type d'approche de cette réalité. Et peut-être si on entendra la première page du traité et les auditeurs pourront comprendre à quel point ce théologien reconnaît la réalité du commerce, la banalité du commerce. Et il dit... La communauté humaine ne doit pas être condamnée au péché dans sa globalité. Il faut laisser une possibilité de salut à la communauté qui pratique le commerce et les échanges. Oui, je vous remercie d'ailleurs de m'avoir cité comme un exemple de ceux qui avaient senti qu'il y avait là quelque chose d'assez attirant, d'assez frappant, mais qui ne s'y retrouvaient pas. Et maintenant, me voilà éclairé sur l'importance de cet ouvrage qui n'est plus bizarre à mes yeux, mais qui est important. Avant de vous demander ce que vous pensez de cet ouvrage et de ce thème, Tenenheim, je voudrais lancer tout de suite nos auditeurs dans ce texte étonnant. Et nous allons lire... le début du traité des contrats de Pierre de Jean-Olivier. On demande, en premier lieu, si les biens peuvent être vendus, licitement et sans péché, pour plus qu'ils ne valent ou être achetés moins cher. Il semble que oui, car autrement, presque toute la communauté de ceux qui vendent et qui achètent pêcherait contre la justice, puisque presque tous veulent vendre cher et acheter à bas prix. En outre, il m'est licite d'attribuer à mon bien le prix que je veux, et aucun droit ne me force à donner ou à échanger mon bien, sinon pour un prix qui m'agrée et que j'ai fixé, de même qu'à l'inverse, personne n'est contraint d'acheter le bien d'autrui au-delà du prix qui lui agrée. Au premier argument de la première partie, il faut dire que ceci n'est vrai pas de la communauté des justes, mais seulement de la communauté des injustes et des avares. Le juste, en effet, ne veut rien vendre ou acheter qui soit contraire au juste prix, et celui qui est parfaitement juste ne veut pas qu'il y ait la moindre injustice. Mais celui qui n'est qu'imparfaitement juste ne veut pas pour lui-même d'une injustice qui prévaudrait sur la justice. Au deuxième argument, il faut dire que, bien que de droit, je ne sois pas tenu de vendre mon bien, toutefois dans l'acte ou le contrat de vente, je suis tenu d'observer la forme et la règle du droit et de la justice. Ainsi, dans l'acte de vendre, il ne m'est pas permis d'attribuer un prix injuste à mon bien et de le recevoir, car alors je ne l'attribue pas en tant qu'il est seulement mien, mais en tant qu'il est destiné à un échange avec autrui. Or, une telle attribution implique, directement lors de l'échange, la réception d'un prix d'une valeur supérieure. Or, recevoir davantage comporte une inégalité. Étienne Anaheim, que pensez-vous donc de ce livre et qu'avez-vous ressenti en écoutant le début de cet ouvrage, disons-le, exceptionnel? Il me semble que cet extrait montre bien la langue de la scolastique au travail. Et une langue un peu particulière parce que si les auditeurs ont écouté avec attention, ils ont reconnu un vocabulaire qui est le vocabulaire technique des universités, mais qui cherche aussi un travail de clarification des notions, et en particulier, et c'est là le caractère un peu extraordinaire, la surprise de Sylvain Piron, on peut la comprendre, qui cherche à penser des faits qui jusque-là n'étaient pas véritablement construits intellectuellement, et qui sont ceux qu'on appellera aujourd'hui des faits économiques, en un certain sens. Alors, sans doute, ces faits économiques sont encore pris dans une pensée qui est une pensée profondément chrétienne et qui essaye de lier la pensée de la chute, la pensée du péché, à la pensée de la manipulation et de la circulation de l'argent, et en particulier du contrat, on pourra en reparler. Mais il y a dans ce texte de la fin du XIIIe siècle quelque chose de tout à fait étonnant pour l'historien qui s'intéresse au XIIIe, au XIVe, au XVe siècle et au rapport entre la société et l'économie. Et c'est ça d'abord qu'on voit dans ce texte et qu'on entend dans cette lecture. Oui, en effet, on voit dans ce texte, et on en parlera dans notre discussion, apparaître l'ascension des marchands, qui est un des grands phénomènes du XIIIe siècle, et nous verrons que toute cette société où les artisans surgissent à côté des paysans qui forment la majorité de la population chrétienne européenne de l'époque pose de nouveaux problèmes avec évidemment un objet qui, sans être nouveau, a pris des proportions et pose des problèmes nouveaux, l'argent. Pouvez-vous, Sylvain Piron, rapidement présenter cet auteur à nos auditeurs? C'est un franciscain hein, qui a été actif dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, dont on connaît la date de décès en 1298, et comme on dit qu'il était dans sa 50e année, on en déduit qu'il était né vers 1248. Né près de Béziers, mort à Narbonne, donc un languedocien très ancré dans sa région d'origine, il a la particularité d'être rentré dans l'ordre franciscain au moment où les franciscains avaient établi un système d'école, hein, ce qu'ils n'ont pas fait dès le début. Donc il a une formation totalement franciscaine, à la différence de Bonaventure ou d'autres maîtres qui sont des universitaires convertis au franciscanisme. Donc lui est vraiment un franciscain radical dans son mode de pensée, ce qui compte vraiment. Et en même temps, il est allé à l'université, il a été envoyé pour faire un premier cycle universitaire à Paris dans les années 1260, à l'époque où Thomas d'Aquin donnait son deuxième enseignement parisien, ce qui est un moment tout à fait exceptionnel dans l'histoire intellectuelle. C'est le moment de la publication de la Somme de théologie de Thomas d'Aquin et donc de l'assimilation de la morale et de la pensée physique d'Aristote par les théologiens chrétiens. Et Olivier a, je pense, sans exagérer, après avoir beaucoup travaillé sur cet auteur, intellectuellement, il est du même niveau que Thomas d'Aquin. Et c'est le seul franciscain de ce niveau. Et il cherche à répondre, à discuter avec Thomas d'Aquin. Et c'est une réponse sur tous les plans, sur tous les domaines. Et on le voit, il a constamment travaillé en ayant Thomas d'Aquin sur sa table de travail, sur tous les points. Et il a rédigé donc des œuvres sur tous les sujets de théologie, d'exégèse notamment. Mais ce traité des contrats également s'inscrit dans un dialogue avec Thomas d'Aquin, puisque on peut tout à fait situer les questions qu'il pose par rapport à celles de la Somme de théologie. Donc on peut dire que c'est le grand théologien franciscain qui a cherché à donner la réplique à Thomas d'Aquin dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Bon, comme un mot qui, je pense, va revenir dans cette discussion est le mot « nouveauté », je crois que, puisque vous avez fait allusion aux universités, il faut rappeler que les grandes universités, Bologne et Paris, Oxford, Cambridge, datent de, pour Bologne, mais qui est à l'écart de ces questions, de la seconde moitié du XIIe siècle, mais de l'extrême fin du XIIe, du début du XIIIe, mais que ce qu'il faut bien appeler l'économie, et qui est au fond le système expliqué par Pierre de Jean Olivier, n'est pas enseigné dans les universités. Nous sommes bien au Moyen-Âge. Nous allons voir un des efforts et des réussites de la pensée médiévale, mais qui n'a pas encore atteint son aboutissement dans l'université. Alors, il y a un mot qui devait, dès le début, forcément retentir, en parlant de ce livre et de ce théologien, c'est franciscanisme, puisqu'il s'agit d'un franciscain. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin, parce que il y a quelque chose, alors, quand même d'un peu étrange, de voir ces apôtres de la pauvreté donner naissance au fond fondateur de l'économie. Et pouvez-vous, comme vous l'avez fait d'ailleurs dans votre ouvrage, un peu creuser cet arrière-plan franciscain? Le premier point qu'on peut dire en faisant référence exactement à l'extrait qui a été présenté. Vous avez entendu cette distinction qui est faite entre celui qui est juste, qui ne veut commettre aucun péché, et celui qui n'est que imparfaitement juste et qui seulement ne veut pas que l'injustice prédomine sur la justice. C'est cette distinction de registre qui permet de comprendre comment Olivier aborde la question en tant que franciscain. Les franciscains, de son point de vue, sont des parfaits. Les franciscains font des vœux de suivre l'évangile, donc c'est ce qu'on appelle les vœux de perfection évangélique. Et les franciscains étant engagés dans cette vie évangélique qui les met à l'écart complètement de la possession, des contrats, ils ne touchent pas d'argent, ils ne possèdent rien par eux-mêmes, ils ont un simple usage des biens qui leur sont concédés, et Olivier développe la notion d'un usage pauvre. Non seulement ils n'ont que l'usage, ils n'ont pas de droit, mais cet usage doit être lui-même pauvre, doit être limité, restreint. Mais cette perfection évangélique qu'ils vivent, elle vaut pour eux, et elle ne les met pas complètement à l'écart du monde social, puisqu'ils agissent, ils vivent dans des villes, et dans des villes composées d'humains imparfaits. Et les franciscains sont là pour guider ces humains imparfaits vers le salut en comprenant leur imperfection. Donc ça leur met ça les met dans une position un peu de condescendance, mais qui permet de reconnaître un niveau d'imperfection qui n'est pas mauvais. C'est là où se fait la grande différence par rapport aux théologiens de l'école morale parisienne du début du XIIIe siècle, qui jugent et qui disent « ceci est mauvais ». Olivier dit non, c'est juste imparfait, et l'imparfait n'est pas mauvais en soi, il faut trouver les principes de justice de l'imperfection. Donc là, le fait d'être franciscain permet d'avoir une plus grande sympathie à l'égard des imperfections du monde social. Et Stenheim, est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose sur ce soubassement franciscain de la pensée de Pierre de Jean Olivier? Effectivement, comme Sylvain Piron vient de le dire, c'est une sorte de paradoxe. Ceux qui s'intéressent à la plus grande pauvreté sont en même temps ceux qui vont formuler les modalités d'un usage réglé de l'argent parmi le reste de la communauté. C'est-à-dire tout le monde ne pouvant pas aspirer à la perfection évangélique, alors comment vivre hors de cette perfection? Et ça, c'est la question des franciscains. C'est plus largement une des grandes questions du XIIIe siècle. Et le XIIIe siècle est marqué par les universités, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Jacques, mais aussi par ces ordres qu'on dit mendiants. On parle des franciscains, on parle des dominicains, c'est-à-dire des ordres qui se préoccupent de la question de la richesse de l'Église, qui est devenue une question centrale. L'Occident est en train de s'enrichir, le XIIIe siècle est un siècle de croissance, et face à cet enrichissement, certains courants qu'on va qualifier parfois d'hérétiques refusent les richesses ou trouvent du moins que la société et l'Église en font un mauvais usage. Et face à ce cadre général, se détachent un certain nombre de figures intellectuelles, et les franciscains comme les dominicains sont à la fois des gens qui travaillent dans les universités à concevoir les cadres nouveaux de la pensée théologique et morale, mais aussi des gens qui éprouvent au quotidien dans leur pratique mendiante, puisque c'est des gens qui n'avaient pas de possession individuelle, qui éprouvent cette question de la richesse. Et donc c'est du point de vue de l'historien et du point de vue du public intéressé, un phénomène historique assez fascinant de voir comment c'est finalement par la marge que se pensent les mécanismes économiques les plus centraux et qui sont pour une part des mécanismes économiques dont nous avons hérité aujourd'hui, par exemple à travers les contrats ou à travers la notion de valeur. Oui, en définitive, Pierre de Jean Olivier estime que ce qu'il faut rechercher à réaliser est quelque chose qui est à la fois moral, religieux, mais aussi économique. C'est ce qui est juste. Pierre de Jean Olivier n'a pas amené dans la pensée scolastique une notion qui va devenir centrale en économie, mais il l'a reprise et il lui a donné un caractère central dans son système. C'est la notion de valeur. De quoi s'agit-il? Alors, ce mot « valeur », le mot latin « valeur » n'est pas un mot de latin classique. Et j'ai été très frappé il y a quelque temps en observant le fait qu'Albert le Grand, qui est le premier commentateur de l'Éthique à Nicomaque, s'est trouvé face à un texte traduit par Robert Grosstedt au milieu du XIIIe siècle, Et Robert Grosset, traduisant littéralement, n'a jamais employé le mot « valeur ». Il n'y a pas d'équivalent dans le cinquième livre de l'éthique, qui est le livre dans lequel Aristote parle de la justice. Il n'est jamais question de « valeur » comme mot, mais Albert le rajoute pour donner un sens au texte. Donc il est le premier qui essaye de comprendre ce texte, et pour l'interpréter, il rajoute le mot « valeur » et il dit « en somme, la question de la justice dans l'échange est une question de justice dans la légalisation des valeurs des biens ». Et donc c'est Albert le Grand, dans ce commentaire de l'éthique, qui est le premier à poser la question. Mais il le fait parce que le mot « valeur » est devenu au XIIIe siècle un mot courant. C'est un néologisme du XIe siècle, en réalité. La première occurrence que j'ai trouvée date de 1054 à Barcelone, mais c'est un mot qui après se répand plus dans le monde méditerranéen que dans le nord de l'Europe, mais il devient au XIIIe siècle un mot répandu, et il montre que l'Occident médiéval a un rapport aux choses qui passent par cette notion d'une valeur. Ce n'est pas une invention des philosophes ou des théologiens, c'est une invention de la pratique sociale elle-même qui désigne les choses comme ayant des valeurs qu'on peut mesurer, comparer. Et c'est un mode de pensée qui est différent du mode antique, qu'on n'a pas d'équivalent dans l'Antiquité, du moins à ma connaissance. Est-ce que vous pensez que cette notion de valeur a un certain rapport avec la monnaie ? Je ne pense pas que ce soit directement... Alors, ça change la façon de concevoir la monnaie, mais je pense qu'au départ, là, cette notion de valeur, elle est liée à plusieurs éléments, mais peut-être l'élément du travail est encore le plus important que l'élément de la monnaie. Elle exprime bien cette idée qu'il y a d'une mise en valeur du monde, qu'il y a de ce travail qui se déploie dans différents domaines d'activité, qui est là pour produire de la valeur. Je pense qu'elle est plus de ce côté-là. Et après, s'il s'agit bien... évidemment, du commerce qui est le lieu où on compare les choses. Donc c'est presque à chaque fois dans des situations d'évaluation, de comparaison entre les biens qu'on parle de valeur, hein, ou de taxation, ou de compensation pour un bien détruit ou d'un bien volé. Donc il y a différents types de cadres, mais je dirais plus fondamentalement, c'est le travail qui est derrière et l'engagement médiéval pour le travail qui explique la raison pour laquelle on a commencé à s'intéresser à la valeur. Si vous avez raison, et je vous suis volontiers, nous voyons comment ce système prend sa place dans tout un renouvellement des notions, et j'allais dire des valeurs, qui s'imposent désormais à la chrétienté du XIIIe siècle, et en particulier cette revalorisation du travail longtemps méprisé parce que simplement manuel, et qui devient au contraire une sorte d'activité qui relie l'homme travaillant au grand travailleur qui existe dans l'univers, et Tellenheim, sur valeur. Je pense que là aussi, ce qui est saisi par Sylvain Piron commentant Pierre de Jean Olivy, c'est une transformation fondamentale des cadres de pensée des XIIIe et XIVe siècles qu'il faut replacer dans le contexte géographique plus large de l'Occident et de la Méditerranée dont Sylvain a parlé tout à l'heure. La valeur émerge, alors, Sylvain disait à Barcelone au XIe siècle et puis ensuite dans ce monde méditerranéen, parce que c'est un monde d'échange, c'est un monde de marché, non pas un monde du marché, où les économistes emploient aujourd'hui le terme, mais un monde des marchés, un monde où les marchandises circulent. Et quand on parle de croissance au Moyen-Âge, pour prendre un autre terme après marché qui nous est familier, quand on parle de croissance, en fait, on parle de quelque chose qui est d'abord le produit de la terre, d'un travail dans des petites cellules qui sont les seigneuries d'un monde féodal, et d'autre part, d'une circulation de biens qui sont échangés sur toute une série de places, de petits lieux dans les villages, dans les villes, mais qui circulent aussi par la mer et en particulier dans le monde méditerranéen. Et la notion de valeur se constitue dans cette économie de l'Occident qui suit une longue croissance depuis peut-être le 8e siècle, une croissance qui s'accélère et qui au 13e siècle atteint sans doute son maximum. Donc cette émergence de ces notions comme la notion de valeur, si vous voulez, n'ont rien d'un hasard ou d'une prémonition. C'est tout d'abord la mise en forme intellectuelle de quelque chose qui est en train de se passer sous les yeux même d'Olivier, et lui est particulièrement bien placé, puisque, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vit dans le monde languedocien, au contact de ses marchands. Il est entre Barcelone et Marseille, et il connaît très bien cet univers. Sylvain Piron, comment sont les hommes qui sont les sujets de l'ouvrage de Pierre de Jean Olivier? Ce sont des gens marqués par le péché originel, ce sont des gens qui sont dirigés par des lois. Alors, on l'a aussi entendu dans le premier extrait, ce sont des gens qui ont un libre arbitre, qui ont une volonté. Je crois que c'est aussi un des points, donc c'est un des nombreux points où on peut voir réapparaître des éléments franciscains dans ce texte, même s'il ne parle pas de la vie des franciscains, il parle du commun des mortels. Il y a des éléments semblables, puisque les franciscains accordent une très grande importance aux vœux, donc il y a un acte de volonté qui détermine leur action. Et de la même façon, ils considèrent les membres de la communauté civile comme dotés d'une liberté. Et c'est là où c'est, le point intéressant, on voit la convergence entre des éléments de théologie d'origine franciscaine avec des éléments de droit, où Olivier pense également le contrat, la relation d'un contrat, comme une relation entre deux personnes libres. Tout le traité, s'il s'appelle traité des contrats, c'est bien qu'il met en avant cette question du contrat, et le contrat est le lieu d'une rencontre entre deux individus libres, alors qui sont majeurs. Donc on a une question consacrée justement aux limites aux empêchements à contracter, mais ce sont des individus libres qui définissent ensemble quelque chose qui leur convient, conforme aux lois locales. Donc il est question régulièrement des consuetudines, donc des coutumes, mais il faut bien le comprendre au sens des statuts des villes. Ils vivent dans des villes qui sont régies par le droit civil, et par un droit civil inspiré du droit romain, mais réadapté localement. Et dans le traité, on voit quelques discussions qui montrent qu'il connaît précisément les statuts de Narbonne, de Montpellier, et que c'est à cela qu'il fait référence quand il parle de droit. Et donc ces individus libres sont capables de nouer entre eux des contrats. Alors l'analyse que porte sur eux le théologien, il l'a fait d'un double point de vue. Du point de vue d'abord du confesseur, puisque le traité, si on veut essayer de resituer le cadre, le contexte concret, le franciscain est amené à enseigner, donc il est lecteur au couvent de Narbonne, dans une école franciscaine. Donc le texte est issu d'un cours donné vers, à mon avis, 1293 au couvent de Narbonne, à des jeunes franciscains pour leur enseigner des principes à suivre dans la confession, et notamment la confession des marchands, mais plus généralement de tous ceux qui passent des contrats. Excusez-moi de vous couper la parole. Je rappelle à nos auditeurs cet élargissement extraordinaire de la conception dû au décret du 4e concile de Latran de 1515 qui a créé l'obligation d'une confession minima par an, ce que l'on a appelé d'ailleurs la confession pascale, puisque c'est généralement pendant la période de Pâques que se fait cette confession. Le 13e siècle est aussi un siècle de la confession. Exactement. Mais et des manuels de confesseurs auxquels j'ai déjà fait allusion. Voilà. Donc c'est un aspect essentiel. Donc la raison pour laquelle il s'intéresse en tant que théologien au contrat, c'est pour préparer les franciscains ou d'autres à confesser les marchands, mais il le fait également en considérant qu'il s'agit de contrats de droit civil qu'il faut juger conformément aux règles du droit civil. Et c'est là la convergence entre droit et théologie et philosophie, puisqu'on a la référence aristotélicienne, c'est cette triple convergence qui définit vraiment l'originalité, la nouveauté du texte, en considérant justement que le théologien ne doit pas juger selon les intentions, parce que dans la confession habituellement, on juge selon les intentions. C'est un acte lié à des intentions mauvaises qu'il faut expier par la pénitence. Dans ce cas précis, Olivier dit très clairement, à plusieurs reprises, on ne juge pas selon l'intention de contracter, puisque toute intention de nouer un contrat est liée à l'appât du gain qui est mauvaise. Donc si on devait juger des contrats selon les intentions préalables, tous les contrats seraient invalides. Donc le théologien doit adopter le point de vue du droit civil et de regarder la seule question qui se pose, c'est est-ce que le contrat noué entre deux individus est juste ? Et non pas quelles sont les intentions des contractants. Et c'est dans il juge le rapport entre ces deux personnes et non pas leurs intentions. Absolument, parce que la question de l'intention que vient de souligner Sylvain Piron rappelle que le traité dont nous parlons aujourd'hui, c'est d'abord un traité qui est inscrit dans le cadre de la théologie morale. Nous en parlons et nous le lisons aujourd'hui comme un texte d'économie, mais il se présente et il est pensé comme un texte de théologie morale dont l'arrière-plan est à l'origine le problème de l'usure, le problème du péché dont nous avons parlé. Mais cette question de l'usure s'élargit à une question plus générale qui est celle des contrats et celle de la licéité de la circulation de l'argent entre deux parties contre des biens. Et à partir de là, Olivier ouvre un horizon qui est un horizon qui reste profondément inscrit dans la théologie parce que c'est l'horizon de la communauté. Au fond, ce qu'il essaie de penser, c'est une communauté de chrétiens. Mais il essaye de réfléchir à cette communauté à travers ses conséquences économiques, c'est-à-dire sortir de l'idée, Sylvain vient de le dire, de l'intention individuelle bonne ou mauvaise, sortir de l'idée que les choses auraient une valeur absolue, mais essayer d'avoir une pensée relationnelle. On pourrait dire aujourd'hui, si on voulait traduire, parce qu'en fait ce qu'on fait là, c'est traduire ces textes anciens dans notre vocabulaire pour essayer de les faire comprendre, on pourrait dire qu'Olivier a une véritable théorie sociale inscrite dans le christianisme. Il pense la société humaine comme une série de relations, et il pense qu'il faut régler ces relations, ce qui montre assez bien comment l'éthique et l'économie peuvent ici s'articuler. On peut évoquer ici la figure de ce très grand historien de l'économie qui est Giacomo Todeschini, un historien italien qui est à l'arrière-plan de beaucoup de recherches sur les rapports entre éthique et économie au Moyen-Âge. Et si vous voulez, cette manière de lier morale et éthique et économie nous permet de comprendre ce qui est à la fois tout à fait nouveau pour les hommes du XIIIe siècle dans cette pensée, mais en même temps ce qui est tout à fait propre à une société et qu'il ne faut pas confondre avec notre propre conception de l'économie. Cette omniprésence, je dirais presque, du souci moral dans ces problèmes et dans ces discussions, est-ce que cela ne sera pas à l'origine d'une forme spéciale que certains historiens de l'économie ont cru reconnaître dans ce qui deviendra le capitalisme européen par rapport au capitalisme en particulier américain, un capitalisme qui sera teinté de morale. Là, on est dans la longue durée. Je pense qu'effectivement, ça, de ce point de vue, c'est un autre problème qui est la façon dont ces textes scolastiques sont rentrés dans les mœurs. Et on a eu peut-être trop longtemps tendance à opposer un enseignement de l'Église par rapport aux réalités économiques, qui est quelque chose qui reproduisait en fait une tension qui a existé à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Mais en réalité, les marchands veulent être chrétiens. Les marchands eux-mêmes veulent être confessés, veulent vivre chrétiennement, et les marchands anticipent les règles que leur donnent, que leur proposent les théologiens. On peut l'observer, des formes de contrats qui sont conçues véritablement pour être dans les règles. Et donc les marchands eux-mêmes, et je pense que dans la longue durée, les marchands européens ont, et les commerçants ont intégré ces valeurs chrétiennes eux-mêmes. Alors, je souhaiterais que maintenant vous présentiez à nos auditeurs la façon dont Olivier traite un sujet tout à fait central dans ses problèmes, et qui n'est pas le seul, ni le premier, à aborder au Moyen-Âge, qu'est la question du prêt, de l'intérêt, et par conséquent, de l'usure. Ça, l'interdiction de l'usure, c'est-à-dire d'obtenir une rémunération pour un prêt de consommation, c'est une interdiction biblique, hébraïque initialement, reprise par le christianisme, qui est un point absolument intangible, et Olivier l'accepte. Il l'accepte, mais il essaye de la redéfinir et de circonscrire les types de contrats puisqu'il s'est engagé dans une analyse des contrats, quels sont les types de contrats dans lesquels il peut y avoir de l'usure. Le texte est composé de trois parties. Donc la première traite des questions du juste prix, de la valeur, de l'échange en général à partir de la figure du contrat de vente. La deuxième partie est précisément consacrée à l'usure. Mais au lieu de poser... Et déjà, ceci, l'ordre est intéressant puisqu'il ne met pas l'usure au premier plan. Surtout, dans la façon de poser la question, il pose la question d'un certain type de contrat. La question n'est pas qu'est-ce que c'est que l'usure, la question est est-ce qu'il y a péché dans un certain type de contrat qui est le contrat de prêt gratuit. C'est un contrat de droit romain, le mutuum, qui est un contrat de prêt de nourriture, principalement d'argent ou de nourriture, mais un prêt de consommation. Ce qui est prêté sera consommé et on rendra l'équivalent. Est-ce que dans ce cadre-là, il est légitime de rendre plus ? Alors si on rend plus en raison du contrat, c'est de l'usure. Olivier insiste très clairement sur ce point. En revanche, contrairement à d'autres théologiens, il ne cherche pas à élargir les situations dans lesquelles il y a usure. Il veut plutôt chercher exactement pourquoi il peut y avoir usure dans un contrat. Et l'usure est un cas d'un abus de faiblesse, en réalité, pour lui. Le prêt de consommation est un prêt charitable, c'est un prêt pour subvenir aux besoins d'un pauvre ou de quelqu'un qui demande de façon légitime de quoi survivre. Et dans ce cas-là, on ne doit pas exploiter le faible. C'est cette question-là qui est posée. Donc après, il analyse une série d'autres contrats, et quand les contrats sont passés entre marchands, entre riches, qui s'engagent à faire un commerce au loin pour ramener un profit au retour de l'opération commerciale, Olivier parle dans ce cas du capital. Les marchands ont un capital qu'ils investissent et des contrats entre des marchands qui concernent un capital destiné à produire un profit ne correspondent pas du tout à l'interdiction de l'usure et c'est parfaitement licite. Un mot avant de poursuivre. Est-ce que ces différentes sortes de prêts que vous venez d'évoquer ce sont bien ceux auxquels correspondent les mots « pietas » et « caritas ». C'est un petit peu différent. C'est-à-dire que sur « pietas » et « caritas », c'est la question des sentiments humains qu'on a par rapport à autrui. « Caritas » est un mot théologique, « pietas » c'est un mot non théologique. C'est-à-dire l'affection, la compassion qu'on a pour le faible. Ce qui est très frappant dans le texte, c'est qu'effectivement, le prêt de consommation tel qu'il est demandé par l'Église est inspiré par la caritas. C'est un prêt qui est inspiré par Dieu. Mais ce que dit Olivier également dans le traité ailleurs, c'est qu'il y a d'autres situations dans lesquelles on ne doit pas abuser du faible, on doit avoir de la compassion pour les faibles au nom de la pietas. Donc la distinction se fait là, disons, en termes de registre de discours. Quand, dans la première partie, Olivier parle du juste prix, de la valeur, il en parle en tant que philosophe moral et utilisant des éléments de droit, mais sans avoir un vocabulaire théologique. Par contre, c'est uniquement quand il parle de ce prêt charitable, donc du mutuum, en tant qu'il procure un mérite religieux. Donc c'est pas un contrat neutre, c'est un contrat qui apporte des vertus. Et ce contrat-là est inspiré par la charité, et l'abus de ce contrat est un péché mortel, un péché très grave, puisque c'est, comme il le dit lui, comme par une belle formule, il s'agit d'une vente de la grâce, puisque faire un prêt de ce type est une œuvre de grâce. Dans ce cas-là, on vend la grâce. Voilà, donc il y a vraiment une distinction très nette, alors que les autres types de contrats qui sont simplement entre des individus qui cherchent, qui ont des objectifs humains naturels, qui ne sont pas inspirés par Dieu, il s'agit juste de trouver la justice selon des normes de justice civile, du droit civil, d'une justice humaine. Et ce qui est très frappant dans ce cas-là, c'est qu'il parle vraiment, il emploie le mot de capital. Et le mot « capital » est, comme le mot « valeur » en latin, mais sous différentes formes en vernaculaire, « capital » est un mot de vernaculaire, c'est un mot qui circule dans la Méditerranée occidentale pour désigner justement l'argent, les sommes d'argent que des marchands investissent dans des opérations. Et il est très frappant, et là on peut dire que c'était aussi un coup de génie d'Olivier, d'arriver à reprendre ce mot de la vie quotidienne pour en faire un concept fort et qui a un sens très précis et très fort dans le texte. Avant que je demande à Étienne Anaïm ce qu'il pense sur la vision du capital par Olivier, je voudrais faire entendre un texte sur la valeur selon Olivier. On doit dire que la valeur des choses est comprise selon deux modes. En premier lieu, d'après la bonté réelle de leur nature et de la sorte, une souris ou une fourmi vaut davantage que du pain, puisque celles-ci ont âme, vie, essence, et non pas le pain. Selon un second mode, elle est comprise en relation à notre usage, et de cette façon, elles valent d'autant plus qu'elles ne sont plus utiles à nos usages. De surcroît, il faut savoir qu'une telle valeur ou un tel usage des choses qui se vendent et s'utilisent est mesuré de trois façons. La première, selon que la chose, par ses qualités et ses propriétés naturelles, est mieux adaptée et plus efficace pour l'utilité qu'elle nous procure. De la sorte, un très bon pain de froment nous vaut davantage comme nourriture qu'un pain d'orge, de même qu'un cheval fort, pour le trait ou le combat, vaut davantage qu'un âne ou un roussin. D'une deuxième façon, selon que les choses, du fait de la rareté ou de la difficulté à les trouver, nous deviennent plus nécessaires pour autant qu'en raison de leur pénurie, nous en avons un plus grand besoin et une faculté moindre de les posséder et d'en faire usage. Selon ce critère, le même blé vaut davantage dans les périodes de disette commune et de famine que dans les périodes où il abonde en quantité chez tous. D'une troisième façon, la valeur des choses est mesurée selon le plus ou moins grand agrément de notre volonté à posséder de telles choses. Ce n'est pas une part modique de la valeur des choses utilisables qui est mesurée en fonction de l'agrément de la volonté, selon qu'elle se plaît plus ou moins dans l'usage de telle ou telle chose et en ayant cette chose à sa disposition. Selon ce critère, tel cheval est plus agréable à l'un et tel autre à l'autre, et tel ornement ou joyau à l'un et tel autre à l'autre. Et de cette façon, quelqu'un peut accorder un grand prix à une chose qu'un autre jugera vile et l'estimer chère et précieuse et inversement. Je me tourne maintenant vers vous, Étienne Anaïm, et je voudrais vos commentaires sur ce que dit Olivier du Capital et ce que Sylvain Piron dit aussi à ce sujet. Ce que montre Sylvain Piron dans le travail qu'il effectue sur Olivier, c'est comment certains concepts, on a parlé du capital, on a beaucoup parlé de la valeur, on pourrait parler aussi d'un autre mot ici qui est l'investissement. Comment certains concepts vont émerger dans la pensée d'Olivier et se décaler par rapport au traité de théologie morale habituel, non pas pour annoncer l'économie politique, comme on pourrait en avoir trop souvent l'impression, l'économie politique du XVIIIe siècle, mais pour créer un espace qui pourrait aller du XIIIe jusqu'au XVIIIe siècle, dans lequel on va tenter de penser la coexistence entre des mécanismes de marché et des mécanismes sociaux et théologiques autour desquels la société humaine va s'organiser. Certains penseurs du XVIIIe siècle et certains historiens travaillant sur le XVIIIe siècle ont parfois appelé ça l'économie morale, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une moralité dans la circulation des richesses, et précisément cette moralité reposerait sur l'idée qui nous est devenue un peu étrangère que le marché ne peut pas tout, qu'il ne doit pas avoir un fonctionnement absolu, mais qu'un certain nombre de valeurs humaines qui sont intégrées dans les échanges doivent borner les mécanismes de marché. Et c'est là où Olivier est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que Olivier ne réfute pas le capital, il ne fait pas non plus du capital une valeur absolue au sens du capitalisme industriel qui sera théorisé au XIXe siècle, il considère qu'il y a une légitimité dans l'investissement et que cet investissement, naturellement légitime, doit pouvoir produire des fruits à condition de se tenir dans de justes limites, dans des latitudes, il emploie le mot, et la théorie du juste prix relève du même système, si vous voulez. Donc on est, avec Olivier, à un moment extrêmement intéressant de ce qu'on peut appeler la pensée économique. Certains de nos auditeurs ou certains de nos collègues ne seraient pas forcément d'accord, mais je crois qu'on peut dire que c'est une pensée économique, mais c'est une pensée économique d'avant l'économie de marché et d'avant l'économie politique, qui est le monde dans lequel on vit depuis plus de deux siècles. Je crois que vous venez de très bien dater, situer la pensée, l'ouvrage de Pierre de Jean-Olivier. Alors, je ne résiste pas à l'envie peut-être un peu simpliste de vous demander ce que doivent vous demander aussi certains de nos auditeurs. Le capital, selon Olivier, c'est comment ? Par rapport au capital, selon Marx. Alors, c'est une chose assez étonnante, mais il faut bien dire qu'il s'agit vraiment du même concept. C'est-à-dire, au sens strict, le capital se différencie, et Olivier l'annonce très bien dès la question sur l'usure, il dit qu'il y a l'argent en tant que tel, l'argent en tant qu'il est le prix des marchandises. Ce qui correspond exactement à ce que Karl Marx décrit comme la circulation simple. Et le capital, c'est de l'argent destiné à acheter des marchandises qui vont être revendues pour produire un profit. Donc c'est exactement le cycle développé, argent, marchandises, argent, tel que le décrit Karl Marx. Donc du point de vue de la forme, et c'est un capital qui produit une valeur superadjunctus, et la meilleure traduction de valeur superadjunctus serait une plus-value. Donc on est vraiment, formellement, c'est le même concept. La différence énorme, c'est qu'il n'est pas du tout appliqué à la même réalité. Et comme l'a dit Étienne Anheim, il ne s'agit pas d'un capital industriel, c'est uniquement un capital commercial. Et le point le plus important, et je crois que c'est un des points que certains lecteurs précédents du traité d'Olivier n'avaient pas bien compris, c'est un capital qui ne peut être engagé qu'à l'extérieur de la communauté. Et là, on est dans un registre qui correspond très bien à ce que décrit Karl Polanyi sur les systèmes anciens, où le lieu légitime du commerce, c'est à l'extérieur de la communauté. Dans la communauté, et Olivier parle beaucoup du bien commun de la communauté, c'est un sujet central du traité, il n'y a pas de capital. Le capital ne s'engage qu'à l'extérieur par des marchands qui vont par du commerce au loin chercher ce qui est nécessaire à la vie de la communauté. Et donc ce n'est pas un lieu où on fait du profit sur autrui à l'intérieur de sa propre communauté, c'est uniquement dans le commerce au loin qu'il peut y avoir du capital. Est-ce que Olivier a eu des héritiers ? Alors, Olivier, ce traité... élèves ? Il a eu quelques élèves en son temps, le plus célèbre étant Hubertin de Casals. Le grand Hubertin de Casals est, je pense, le meilleur disciple. C'est celui qui a défendu Olivier à plusieurs reprises dans des procès, puisqu'Olivier a eu... après sa mort, a dû subir une série de procès posthumes. Il a finalement son commentaire de l'Apocalypse, dont on n'a pas encore parlé, qui est donc une vision de l'histoire de l'Église d'inspiration qui vient de Joachim de Fior, qui développe des thèmes issus de Joachim de Fior, a été finalement condamné par Jean XXII en 1326. Et jusqu'au bout, Hubertin de Casals a été son défenseur, y compris face à Jean XXII. Mais la plupart de ses élèves ont été emportés dans la condamnation des positions d'Olivier. Ils ont été, pour certains, condamnés sur le bûcher en 1318. Et ils se sont, pour certains, enfuis en Italie, en Afrique du Nord, en Grèce. Et c'est le mouvement qu'on appelle les fraticelles. Donc les spirituels franciscains sont devenus en Italie des fraticelles. Et il se trouve que les fraticelles possédaient les livres d'Olivier, le considéraient comme leur grand auteur. Et ils ont été à leur tour exterminés. Alors ils étaient très présents en Italie jusqu'à la fin du XIVe siècle, et leurs œuvres ont été récupérées par l'Observance franciscaine, et notamment par Bernardin de Sienne. Donc le grand héritier d'Olivier, c'est Bernardin de Sienne, qui, avec un siècle de distance, a repris toutes les œuvres d'Olivier et d'Hubertin de Casals. Et la théologie de Bernardin est vraiment inspirée par Olivier et Hubertin. Et sur cette question des contrats, Bernardin a repris à la lettre, presque la totalité du traité. Et Bernardin, à son tour, a été lu par Antonin de Florence, dominicain, archevêque de Florence, dont les œuvres ont été publiées et dont les œuvres sont un des livres, ou peut-être le livre le plus souvent imprimé après la Bible à l'époque moderne. Donc la pensée d'Olivier sur ces questions a eu un retentissement énorme, un peu décalé, hein, c'est à partir du XVe siècle, mais le retentissement a été absolument énorme et on peut dire que c'est vraiment ces textes, ce texte-là est à la base de tous les développements de la seconde scolastique par l'intermédiaire de Bernardin et d'Antonin. Ce sont les points d'appui des développements très intéressants, nouveaux sur certains points, mais le cadre est fixé par Olivier de toute la pensée de la scolastique espagnole notamment et de Louvain au XVIe siècle. Il faut que les auditeurs se rendent compte que ce travail sur Pierre de Jean-Olivier, qui a été effectué par Sylvain Piron, et puis aussi avec Alain Bourreau, ces 15 dernières années, c'est un travail phénoménal de redécouverte d'un auteur. C'est-à-dire qu'on a affaire ici à un auteur extrêmement important, mais qui est passé dans une sorte d'invisibilité. C'est-à-dire que ça a été peut-être le très grand théologien du XIIIe siècle, avec Thomas d'Aquin, et alors que Thomas d'Aquin est devenu une sorte de figure emblématique de l'Église catholique, Olivier, au contraire, et pour les raisons que Sylvain Piron a expliquées, Olivier a eu une postérité, si vous voulez, extrêmement ténue dans un premier temps, et puis une postérité combattue, puisque ses disciples ont été considérés comme des hérétiques, ce qui fait qu'il a presque été oublié. C'est-à-dire, c'est un personnage qu'on redécouvre depuis 15 ans, mais qui avait été pratiquement oublié, mais dont les textes ont continué à travailler de façon souterraine à travers la tradition intellectuelle franciscaine et au XVe siècle. Et alors, Antonin de Florence, effectivement, c'est l'auteur majeur qui est lu durant toute la seconde scolastique, mais c'est encore un auteur qui est lu par les penseurs économiques du XIXe et du XXe siècle. Et par exemple, pour Schumpeter, c'est l'auteur scolastique de référence sur la naissance de la pensée économique. Si vous lisez les traités classiques du XIXe et du XXe siècle sur la naissance de la pensée économique, très souvent, on revient à Antonin de Florence. En fait, il faut savoir que derrière Antonin de Florence, c'est ce que montre Sylvain Piron, il y a ce Pierre de Jean-Olivier qui est une sorte de perdant de l'histoire, enfin qui est maintenant en même temps une sorte de vainqueur tardif, ressuscité si vous voulez, et dont on mesure à quel point ça a été un auteur extrêmement fondamental. Et ça, ça donne à penser, si vous voulez, sur les généalogies longues et sur le travail des historiens, puisque c'est véritablement ici un moment où on voit à quoi servent aussi les historiens, c'est-à-dire à réinscrire une pensée économique qui est la pensée contemporaine dans une histoire extrêmement longue, histoire faite de soubresauts, avec des ruptures au XVe siècle, à l'époque des Lumières, mais une histoire très très longue et qui s'éclaire sous un jour tout à fait nouveau. Merci, vous nous avez donné, je crois, votre conclusion. Je vais demander la sienne à Sylvain Piron. Je ne peux que revenir sur ce que vient de dire Étienne Alain. C'est effectivement un auteur qu'on redécouvre et qui mérite d'être lu et qui mérite, je crois, de faire réfléchir à ce qu'est la pensée économique. Ce qui m'a beaucoup frappé à la fin d'un long travail sur le texte, c'est qu'Olivier a vraiment des analyses économiques très fines qui lui permet d'analyser des comportements qui sont encore valables aujourd'hui. En revanche, il y a une différence qui me paraît très intéressante et qui n'est pas forcément négative à noter, c'est qu'il a une différence anthropologique. Il voit l'être humain d'une manière différente de ce que présentent les économistes. Et l'économie moderne, la pensée économique classique depuis la fin du XVIIIe siècle, se fonde sur l'idée que la vie économique est guidée par les intérêts individuels et que, au fond, il suffit de composer avec les intérêts pour constituer une économie. Et Olivier, ce qu'il montre dans ces différentes questions, c'est que non, les individus ne sont pas motivés que par l'appât du gain. Ils ont également un sens moral, un sens de la justice. Ils ont, donc on en a parlé, un sentiment de compassion à l'égard des faibles. Et ils agissent en fonction du bien commun des communautés politiques dans lesquelles ils vivent. Et je crois que c'est trois dimensions qu'on retrouve tout au long du texte et trois dimensions qui ne sont pas des choses anciennes perdues, mais qui sont encore valables aujourd'hui pour nous. Et donc, on pourrait repenser l'économie moderne à l'aide de ce texte. Eh bien, j'espère que cette émission concourra à faire découvrir ce personnage considérable, ce livre très remarquable, et qui doit, l'un et l'autre, beaucoup à Sylvain Piron, que j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir à cette émission. Et maintenant, un texte, bien entendu, qui est du traité des contrats, qui va en quelque sorte résumer ce que vient de nous dire Sylvain Piron sur Pierre de Jean Olivier. C'est un texte sur la légitimité du profit marchand. On demande si celui qui achète une chose, quelle qu'elle soit, afin de la revendre pour un prix supérieur sans la transformer ni l'améliorer, ainsi que le font communément les marchands, pêche en cela mortellement. Il faut dire qu'il n'est pas nécessaire que le péché soit ici inclus directement et par lui-même, quoique cela soit très rare et difficile. Il est en effet évident que bien des choses font défaut à une ville ou une région qui abonde dans une autre région. Or, ceux qui sont occupés aux travaux des champs, dans les autres arts mécaniques, au gouvernement public ou dans le service armé, ne peuvent pas se rendre facilement et au moment voulu dans diverses régions pour y acheter les biens dont ils ont besoin et les en rapporter. En outre, peu ont l'industrie et l'expertise appropriées. C'est pourquoi il est utile à la communauté que certains s'adonnent à cet office, lesquels doivent assurément recevoir un gain, car selon l'apôtre, personne ne travaille jamais à ses propres dépens. Et de fait, on ne trouverait presque jamais personne qui veuille accomplir ce travail sans profit. En outre, de tels marchands exposent leur argent, ainsi que leur personne, puis les marchandises achetées par leur argent, à de nombreux risques, et ils ne sont pas certains que les marchandises achetées leur permettront de retrouver leur capital. Or, s'ils n'étaient industrieux dans l'estimation subtile des valeurs des biens, de leur prix et leur utilité, ils ne seraient pas aptes à cet office. On peut manifestement en conclure qu'ils peuvent et doivent retirer des précédentes circonstances un profit approprié. Il s'ensuit en outre qu'ils peuvent augmenter le prix de leurs marchandises jusqu'à une certaine mesure convenable. Une deuxième raison est que, outre leur propre profit raisonnable, tous ceux à qui ils achètent et à qui ils revendent peuvent en retirer un gain convenable, comme une expérience assidue l'enseigne. Car ce qui est abondant et de bas prix dans une région est rare, cher et nécessaire dans une autre. Et après que les artisans ou les paysans ont obtenu un gain convenable de la vente de leurs produits, les marchands peuvent en retirer un gain convenable en raison de l'avantage qu'ils procurent à d'autres. Sancto. C'était les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff avec Sylvain Piron, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, et Étienne Anaïm, maître de conférence à l'Université de Versailles Saint-Quentin-les-Yvelines, sur le grand économiste du Moyen Âge, Pierre de Jean Olivy, dans son livre Traité des contrats, édité par les Belles Lettres. Les textes ont été lus par Jean-Pierre Leroux, qui sait aussi faire parler les scolastiques. La prise de son est de Marcos Darras, la réalisation de Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire seront présentés par Michel Perrault. Et dans quelques instants, C'est pas la peine de crier, par Marie Richeux.